The vacuum seal shut. Milk and honey make me wanna drink some. Milk and honey make me wanna

réduira. Les mots, c'est aussi de la musique sur Nova. I know that I'm your homie. I ain't just gonna let that go. Don't think you can just call me because you're feeling lonely. I can't always be option number three. I'm at your convenience. You ain't never chosen me. I can't always be option number three. Je l'ai prise dans mes bras et je l'ai embrassée, voilà. Cela dit, j'ai fait 10 ans de yoga. Vous êtes merveilleuse. Je vous aime. Il est exactement 17h. Il commence à se faire tard. Nova. Nova. Supernova. Supernova. C'est super et c'est Nova. 17h, 19h avec Tatiana Pérou. Bienvenue à tous, et ça y est, vous l'avez compris, c'est l'heure pour nous de démarrer ensemble un nouveau Supernova qui n'échange rien à ses bonnes habitudes et qui prévoit toujours de vous accompagner jusqu'à 19h. Alors c'est une journée sous quelques gouttes de pluie, mais vous devez commencer à nous connaître, c'est pas un petit peu d'eau qui va pourrir notre journée. Rien n'arrête Nova Lyon, alors venez, mettez-vous à l'abri, rentrez dans notre bulle qui vous éloigne de tous les tracas du quotidien. Pour ça, c'est simple, on va retrouver le grand mix avec Georgia Smith. Georgia qui, 5 ans en arrière, souvenez-vous, avait sorti son premier album studio et déjà, rien qu'avec, elle se faisait saluer par la critique et ce, à travers le monde entier, pour sa voix, mais aussi pour ses textes remplis de symboles. Rapidement, elle avait enchaîné avec un EP, Be Right Back, qui servait un petit peu, je pense, de transition entre Lost and Found, donc son premier album, et Falling or Flying, son deuxième album studio, celui qui était très attendu par les fans de Georgia, eh bien, a été annoncé cet été et au final il est arrivé à la fin du mois de septembre. Georgia Smith qui nous la joue sentimentale avec le titre Feelings en feat avec le rappeur britannique G.S. Voilà ce qui arrive dans le grand mix. Any other time, I'll be on my way. There was a time where you tried and you said, why would you fight what was inside? That wasn't part of the plan. Now I know that I should go. Looking for some reasons. Tell me there's something wrong with it. Tell me there's something inside that I need. You know I'm not gonna stay the night. Home. I just need one reason. I know there's nothing wrong. It's hard to pretend it's not what I want. Way too close to read my mind. I know you got your reasons, yeah. I know the meaning. I know you're still healing, baby. But you're still appealing. Hope you don't think I'm reaching. But I got feelings to the ceiling. And I'm still in my feelings, gang. You know you're very well seasoned. I know you got your reasons, yeah. I know the meaning. I know you're still healing, baby. But you're still appealing. Hope you don't think I'm reaching. But I got feelings to the ceiling. And I'm still in my feelings, baby. You know you're very well seasoned. I'm liking the way that you talk to me now. You know what you're doing, don't look in my eyes. Times that we've done what we did. When I put it on ya, when I put it on ya. Looking for some reasons. Tell me there's something wrong with it. Tell me there's something inside that I need. You know I'm not gonna stay the night. I just need one reason. my mind. I know you got your reasons, yeah. I know the meaning. I know you're still healing, baby, but you're still appealing. Hope you don't think I'm reaching, but I got feelings to the ceiling. And I'm still in my feelings, baby. You know you're very well seasoned. In my feelings, I'm feeling my sorrow. I want you today, I want you tomorrow. I want you to stay, I'm not gonna borrow. I steal you forever, I take you Morocco. Me and you together, you're driving me loco. I wanna be with you, I don't wanna be solo. J-House, aka Ellie Zolo. When you call me, I'll be there coming pronto. But I've kept it G, I never spent a cobble. Make a splash and a dash, you know that's the motto. She's driving me, I'm inside her motto. Your Usna feels like I just won the lotto. Touching me, she feeling my muscle. I spend time with you, I'm posing my hustle. Pour something in my cup, me and you are a couple. Bad man, but sometimes I wanna cuddle. I know you got your reasons, yeah. I know the meaning. I know you're still healing, baby, but you're still appealing. Hope you don't think I'm reaching, but I got feelings to the ceiling. And I'm still in my feelings, girl. You know you're very well seasoned. I know you got your reasons, yeah. I know the meaning. I know you're still healing, baby, but you're still appealing. Hope you don't think I'm reaching, but I got feelings to the ceiling. And I'm still in my feelings, baby. You know you're very well seasoned. Feelings, c'est signé Georgia Smith en feat avec le rappeur britannique G.E.S. et c'est à retrouver sur le deuxième album de Georgia, Falling or Flying Opus, qui représente en fait pour la jeune artiste toutes ces années en fait faites d'étapes de réflexion, de transformation importante, autant en tant qu'artiste que comme personne à part entière. Georgia, qui en ce moment, elle donne pas mal de concerts. Alors, c'est plutôt très axé États-Unis et Angleterre pour le moment, mais peut-être qu'à partir de janvier, enfin en tout cas pour 2024, on peut espérer une tournée européenne au programme. En tout cas, ça, c'est une affaire à suivre. Supernova. Il est là, bien installé dans vos oreilles. Il n'est pas prêt de partir, oh non, puisqu'il va vous aider à affronter la pluie, le vent, les bouchons, les gens, le boulot, la fin de journée, oui, tout ça à la fois jusqu'à 19h. Et pour ça, vous le savez, il y a plusieurs ingrédients pour que ça marche. À partir de 17h30, on retrouve Herman qui sera là pour vous donner de la niaque et aussi des bons conseils, puisqu'il va, comme tous les mercredis, se transformer rien que pour vous en coach. On va affronter, c'est peut-être un bien grand mot, je le conçois, mais on va quand même continuer de braver ce temps chelou qui hésite encore entre le froid, le chaud et la pluie, avec Novaem qui vous embarque encore au cœur de la 30e édition du festival Un Doigt de Jazz, qui termine vendredi soir au Transbo avec une soirée consacrée à la nouvelle génération, avec au programme le rappeur Ladé, le saxophoniste Léon Faille, le trio lyonnais Jazzual Caz. Mais ce n'est pas tout. Avec Novaem, pas besoin non plus d'attendre le week-end pour bouger et s'aérer, puisque demain soir, il vous emmène à Vénissieux dans la salle du Bizarre pour découvrir Stojiti, artiste qu'on surnomme le parrain du rap sud-africain. Ouais, rien que ça, donc ça vaut vraiment le coup de le découvrir. Vous pouvez aller regarder déjà les infos sur la page Facebook Novaem et sur nova.fr. Sinon, à partir de 18h, le Supernova fera de la place pour Pierrot, le boss de Sopa Records, disquaire lyonnais implanté depuis plus de 20 ans à la même adresse, et aussi pour Onesim, cofondateur du label tunisiano-lyonnais Choukaï. En fait, ils viendront tous les deux pour nous parler de l'arrivée du deuxième volume de la compile Maghreb Cassette Club. Et ouais, ça arrive sans vendredi, mais demain soir, Sopa Records vous attend pour une release partie bien spéciale. Mais avant de repartir pour la dernière ligne droite avant la fin de la journée, une pause est bien méritée avec le grand mix, et notamment cet interprète jamaïcain Dandy Livingston qui a pour toi, cher Rootboy, un message très important à te dire. Nova. Nova. Inspiré des dernières découvertes de Shiseido sur le relâchement de la peau et sa régénération nocturne, le concentré Nuit Vitale Perfection est un véritable soin révolutionnaire. Il agit pendant votre sommeil pour une peau raffermie et des contours redessinés. En ce moment et jusqu'au 29 octobre, bénéficiez d'un coffret anti-âge d'une valeur de 50€ offert pour 120€ d'achat dans la marque Shiseido. Offre soumise à condition, conditions de l'offre sur shiseido.fr et dans les magasins participants dans la limite des stocks disponibles. Shiseido, depuis 150 ans engagé au service de votre beauté. Carrefour.

Much to You, Rudy. C'est sorti en 1967. Et là, c'était la version d'Andy Livingstone, la première version. Mais je pense que là, vous voyez très bien où est-ce que je veux en venir. Hein. Ce morceau, il va vraiment gagner en popularité. Ça va être un énorme succès. En 1979, quand le groupe The Specials s'en fera une reprise, et ça va cartonner, mais incroyablement bien. Alors, quand on est un label, autant en profiter de ce succès pour ressortir la version originale de Living Stones, hein, qui va réussir quand même à avoir un certain succès, mais qui ne sera pas aussi fort et qui ne va pas rester autant dans nos têtes que la version du groupe The Specials. Supernova. La suite du grand mix est avec le jazz band Butcher Brown avec Michael Million sur le titre Pink Fur. Mais d'abord, c'est une autre collab, celle du rappeur le Earl Sweatshirt et du prod The Alchemist qui ne sont pas vraiment arrêtés à faire un titre. En fait, ensemble, ils se sont dit on va sortir carrément un album commun qui s'appelle Voir Dire. Et dedans, on retrouve le titre Vine Scully. For every problem life seems a faithful friend to share. For every sigh, a sweet song. An answer for each prayer. You and I have been friends for a long time. Big grip, get flip, hand over fist, that's quick. Snake oil salesman with the pitch, that's slick. Ain't no telling when it ends. No matter the spin, I know when I gotta hit. That's it, that shit gets sent over the fence. I'm home, another run on the road, look how I slid. I remember the cold and shrugging till I was sore inside the crib. I don't know what it is. I remember the ghost inside the crib. Hosing down a problem with gin and tonic. How to stay afloat in a bottomless pit. The trick is to stop falling. Only option to start with a step. Bet, son, father, and death. Big mama with the vision of sorrow. Now I know why they wet. I watched it brew a new quarrel. I knew just what to bet. Now we having like Dewey Cox out in his shed. I had to unify all the plurals and pairs. I promise you I'm truly one of the parts of this shit. A couple side splitters got me out of some jams. I had to style a little so the killers could laugh. Big grip, get flipped, hand over fist, that's quick. Snake oil salesman with the pitch. Hey, ain't no telling when it end. No matter the spin, I know when I gotta hit. That's it, that shit gets sent over the fence. I'm home, another run on the road, look how I slid. I remember the cold and struggling till I was sore inside the crib. Now I know what it is. Everybody has their different ways of what they use them for, but we'll let them explain that to you. Wake up on and made a hit a high note. Early morning, not before I pray for my survival. My family got faces on walls and we still alive. Elevating how our mamas feel inside. I done seen a beef go wrong, a whole block see genocide. Guns went off and in the crib, I'm desensitized. My life is analog, you're more synthesized. I barely wrote this down, I just improvised. Medusa frames on my eyes, my energy. My art's like a masterpiece. When I'm done with them, shine and make the sun like them. Like Big said, I'm surprised you run with them. This, that upper layer. The dope I'm cooking up, it always bugged the neighbors. I hope I touch a hater. I hope they touch some paper. I wanna see my reflection in them. I know they like be greater. In Richmond, that's a winter night. It's always fire outside, those flashes shining bright. I'm cut different, baby girl, ain't know she was diamond. Live to the limit, every day you get closer to dying. Bury me there, put a pyramid on Broad Street. Sidewalk where the cars be, my memory can still smell the black and mild smoke from Cadillacs passing by. Pass the smoke to the OG, cataract in the side. Just know we seen it all, he on the scene of tall. I hope you cry backwards and folks never see you fall. Lyon. Nova. The Family Tree, c'est un titre à retrouver sur la compilation With Love volume 2 et c'est initié par le label anglais Mr Bongo et c'est sorti moins d'un an après le premier volume et dans ce volume 2 qui est toujours initié par Mitch. Et ben en fait il nous propose une quinzaine de titres soul assez rares qu'il a puisés dans le monde entier et c'est déjà dispo, c'est déjà sorti donc vous pouvez aller vite vous l'acheter. Nova M. Il termine dans deux jours sa 30e édition avec une soirée destinée à la nouvelle génération, New Generation. C'est le nom de cette soirée pour le festival Un Doigt de Jazz. On va donc retrouver là-bas le rappeur Ladé qui va mélanger influence soul et jazz pour faire son propre son unique. On va aussi retrouver le saxophoniste franco-suisse qu'on commence à bien connaître. C'est Léon Fall qui lui a récemment sorti Stress Killer. Et on va terminer la soirée en beauté avec un trio lyonnais qui commence à se faire un nom parce qu'il repousse les limites du jazz actuel. C'est Jazzual Caz. Et pour avoir vos places, c'est simple. Rendez-vous sur la page Facebook NovaM et sur nova.fr, mais dépêchez-vous parce que c'est tout bientôt, donc le tirage au sort approche à grands pas. Retrouvez tous les NovaM sur Facebook. Coach Sherman arrive, mais d'abord on va retrouver le pianiste américain Robert Glasper qui, 10 ans en arrière, sortait Black Radio 2, son 6e album studio, et dedans on retrouve I Stand Alone. Nova. Nova. Netto, on gagne tous à payer moins cher. Netto. Chez Netto, on gagne tous à payer moins cher. Et en ce moment, c'est le mois avantage à la carte. Oui. Jusqu'au 23 octobre, pour l'achat d'une barquette de 30 boulettes au bœuf, origine France à 7,40€ les 750 grammes, cagnotez 1€ sur ma carte Netto. Et ça, c'est une sacrée bonne nouvelle. Netto, on gagne tous à payer moins cher. 7,40€ à l'unité, prix payé en caisse, soit 9,87€ le kilo. 6,40€ la barquette, avantage carte déduit. Réservé aux porteurs de ma carte Netto. Application Netto France gratuite, sans obligation d'achat, conditions sur netto.fr. Pour votre santé, bougez plus. Bon, j'ai regardé le planning, on n'a pas du tout assez de monde pour le 28. L'hôtel de Nina a été entièrement réservé pour un gros événement. Elle doit trouver du personnel de chambre en extra ou elle va se retrouver dans de beaux draps. Indeed peut l'aider à embaucher rapidement des profils de qualité. J'ai besoin d'Indeed. Avec Indeed, profitez d'un partenaire de recrutement tout en un. Créez vos offres d'emploi, filtrez les candidats, faites passer les entretiens sur une seule et même plateforme. Rendez-vous sur indeed.com/offre et profitez de 100€ offerts pour votre première offre sponsorisée. Offre soumise à condition. Stop, stop, stop, stop. Ah. Oh non. S'il te plaît. C'est important de savoir s'arrêter. Alors en ce moment chez Citroën, pour toute prestation freinage, profitez d'une remise de 25% sur les pièces et d'un bilan sécurité offert. S'il te plaît. Offre non cumulable réservée aux particuliers professionnels hors loueur et flotte, valable jusqu'au 31 octobre dans le réseau Citroën participant. Détails sur citroën.fr. Chez Conforama, on pense à ceux qui cherchent une cuisine vraiment à leur goût, mais qui rentrent dans leur budget. Profitez d'une offre de paiement en 30 fois sans frais pour l'achat d'une cuisine. La cuisine de vos rêves en plusieurs mensualités, c'est maintenant chez Conforama. Conforama, jusqu'au 13 novembre. Offre de crédit accessoire à une vente pour un achat de cuisine de 4 000 à 16 000 euros sur une durée de 30 mois. Sous réserve d'études et d'acceptation par le prêteur BNP Paribas Personnel Finance, 542 097 902 RCS Paris. Vous disposez d'un droit de rétractation. Le coût du crédit est pris en charge par Conforama. Carrefour. Si je vous dis bonbon Haribo. Ça, c'est parfait pour mes petits monstres d'Halloween. Ah bah, il n'y a pas que les enfants qui aiment ça. Oh, maman, il a mangé tous les bonbons. Chérie, tu les caches où les bonbons déjà? Et si je vous dis que pour Halloween, pour 2 sachets de 800 grammes de bonbons méga-fêtes Haribo achetés, le 3e est offert. Des bonbons, on sort. Et c'est jusqu'au 29 octobre chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. Carrefour. On a tous le meilleur. Détails sur carrefour.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Faites de l'Audi Q5 TFSIe le SUV iconique et précurseur, votre allié business. Jusqu'au 31 octobre chez Audi Group Central Auto à Saint-Fons, l'Audi Q5 TFSIe est à partir de 749€ par mois, sans apport. Conditions chez Groupe Central Auto à Saint-Fons et sur centralauto.fr. Groupe Central Auto, partenaire de votre mobilité. Offre particulière sur 25 mois et 30 000 km sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Au quotidien, prenez les transports en commun. Nova. Avec Tatiana Peroux. Sometimes we feel alone, but alone ain't always wrong. Mm-hmm. by the realness. Still, I'm legend like Will Smith. In the presence of the fake, I am a real gift. Open it, hoping it'll be something dope in it. Booming other people getting motion sick. We ride on the highs and the lows of it. On the south side, we got hoes for it. Standing up like Rich Pryor, we get fire and inspired by the prospect to get higher. Your sire on the throne, grew up around the stones, the ranger, so I stand alone. We blessed to live, not just my kids, want the best for his. Progression lives, where the lessons is. I got my own, God bless the kid. In the mid part of Babylon, listening to Farrakhan. In the parts of Avalon, streets we would battle on. Got the good book in my carry-on. Life is a race, I'm the marathon. Man on the moon, get a voice of room. Rose from the concrete, told you I would bloom. Situation brought out the hero. A little black 13-year-old. The voice of the Lord in my earlobe. Telling me my purpose, I can see a clear road. Revolution in the execution of lyrics. Spirit of Gil Scott, Marvin Gaye, modern day. Irresistible appeal of black individuality. Where has all of that gone? The very people who blazed our path to self-expression and pioneered a resolutely distinct and individual voice have too often succumbed to mind-numbing sameness and been seduced by simply repeating what we hear, what somebody else said or thought, and not digging deep to learn what we think or what we feel or what we believe. Now, it is true that the genius of African culture is surely its repetition, but the key to such repetition was that new elements were added each go-round. Every round goes higher and higher. Something fresh popped off the page or jumped from a rhythm that had been recycled through the imagination of a writer or a musician. Each new installation bore the imprint of our unquenchable thirst to say something of our own, in our own way, in our own voice, as best we could. The trends of the times be damned. Thank God we've still got musicians and thinkers whose obsession with excellence and whose hunger for greatness. I Stand Alone, c'est signé Robert Glasper. Et maintenant, c'est l'heure d'aller mieux, c'est l'heure de faire de son mieux, grâce au conseil de notre coach qui s'appelle Herman. Nova, super Nova. Bonjour, coach. Salut. Herman. Comment ils vont, mes fatigués? On va bien, les ça fatigués. Va, ça va, ouais, ça, cette semaine, trop de fatigués. C'est pour ça que je suis venu coacher les personnes qui matent les talk shows en ce moment. Bah, il faut du courage. Ouais, c'est pour ça que surtout les personnes qui ne travaillent pas pour regarder cette merde. Donc, voilà, si vous voulez regarder des débats dans les talk shows à la télé, voici quelques petits conseils. Déjà, coupez le son, amusez-vous à faire les doublages, ça fait rire les gosses et ça vous rappellera la nostalgie des guignols de l'info. Ah, oui. C'est pas mal. Pour les téméraires, ceux qui veulent vraiment s'intéresser au sujet, voici d'autres conseils. Tout d'abord, laissez les objets coupants à plus de 5 mètres de vous. Okay. Deuxièmement, de l'eau, une banane et un cachet de doliprane pour éviter la déshydratation. Même ce mot-là, j'ai du mal à le dire. Déshydratation. Puis un seau en cas de vomissement, car les vidéos atroces qui tournent ou en boucle sur les chaînes d'infos peuvent vous donner le tournis. Et en cas d'urgence, la télécommande tout le temps scotchée sur la cuisse pour éteindre ou changer de scène à tout moment. Passons à la mise en situation, okay. On y va, allez. Faut préférer preuve d'imagination ceux qui m'écoutent, ok. Une mise en situation, on va prendre une émission type TPMP qui ferait un débat du type Proche-Orient. Ouais. Tu vois, tout le monde a l'idée, très bien. Pour un bon débat, il faut deux bons contradicteurs. Mais pour un débat sur TPMP, il faut deux gros cons. C'est facile à faire, ok. Donc on va faire l'image, ok. Donc c'est parti. On lance l'émission, vous me suivez. Ok, vas-y. 3, 2, 1. Bienvenue à Touche pas à mon connard, où l'émission où deux connards se parlent pour rien se dire. On les applaudit s'il vous plaît, let's go, voilà. Aujourd'hui, deux monsieur très grands. Aujourd'hui, on a monsieur Franck Le Tapir, essayiste, politologue, vendeur de textiles, astronaute et accessoirement producteur de l'émission qui vient de vous parler de son dernier ouvrage, Le rap, la nouvelle soura des djihadistes. En face de lui, nous aurons Anis Bobatar, militant politique, humoriste, épicier, rappeur qui vient nous parler de son nouvel opus, Rapta Gaza. On pourra découvrir des featurings avec MHD, Patrick Bruel et Bilal Hassani. On peut les applaudir, s'il vous plaît. Merci, messieurs, de participer à cette belle émission, cette belle rencontre. Nous allons commencer avec vous, monsieur Le Tapir. Monsieur Bobatar, c'est la production qui décide, s'il vous plaît. Oui, coupez-lui son micro, on s'entend plus parler. Monsieur Le Tapir, reprenons. Merci de nous éclairer de vos lumières sur cette tragédie au Proche-Orient. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette situation ? Déjà, merci de m'avoir invité à mon émission, à cette émission que je produis accessoirement. Monsieur Bobatar, je vous vois par-ci, par-là, dire des choses dans les médias. Mais vous avez cru dire des choses, mais vous les avez pas vraiment dites. Vous pensez des choses, peut-être, mais vous les exprimez pas. On se connaît depuis des années, on peut même dire que nous sommes amis. Alors, dites-moi, pourquoi l'Algérie, la Tunisie, le Maroc et le Wakanda ne se sont pas exprimés sur ce conflit ? Oh là là, vous commencez déjà à vous énerver. On peut rien se dire, pourtant on est là pour partager. Ah, frère, qu'est-ce que t'as vendu 3 livres et 3 jeans, tu te casses les couilles déjà. Ouais, déjà, si on se connaît, je vais te dire les choses dans les neneuils. Écoute-moi bien. Tout ce que tu fais, c'est éclater. Allez, dégage. Bon, on va arrêter là, parce que ce genre de réaction ne rend service à aucune cause. Ok, les gars? Donc, les monologues, ça devient supportable. Oh, monsieur Bobatar, ça suffit maintenant. Allez, qu'on lui coupe son micro. Merci, monsieur Le Tapir, d'être venu. Voilà. Tatiana, tu comprends pourquoi je suis mal à l'aise devant ce genre de débat? Ouais, c'est assez compliqué. J'y comprends rien. Et j'ai comme l'impression que ces gens-là, en fait, ça déconstruit tout le projet de paix que j'ai dans ma tête, tu vois. Et oui. Ces gens-là, en fait, c'est juste des gens qui ont un avis sur tout, mais ils ont surtout un avis, tu vois. Moi, je pense que quand on n'y connaît rien, on ferme sa bouche et c'est ça le coaching de ce jour. Dès que tu ne connais pas, tu te tais. Par exemple, moi, j'y connais rien en poisson. Je ne vais pas apprendre à un cuisinier à préparer son saumon. Je ne vais pas apprendre à un pêcheur à pêcher à la baleine. Par contre, je maîtrise le soulevage de thon. Donc, c'est pas mal. Donc, coaching du jour, avant d'ouvrir ta gueule, maîtrise ton sujet. Tous ceux qui veulent soulever des tons, contactez-moi ou venez me voir à la Gouvrie tous les mercredis à 21h. Eh bien, dis donc, monsieur Coach Sherman. Je suis là pour rendre le sourire et surtout la paix, c'est important. La paix, bah, Coach Sherman, okay. C'est grand. Bon. Ouais. Eh bien, merci. Merci à vous, merci Nova, c'est gentil. On se retrouve la semaine pro ? Inch'Allah. Allez, salut Herman. Bye bye. Nova. Supernova. Estaba bien, Dimbil, a mí no es fácil subir y Uto también. Bugunga, gente, po' escucha más música, no po' le pelé. Po' escucha KRT Kant, RFP con vileza mi band. Bugunga, gente, po' escucha más música, no po' le pelé. Ese cuando que vos te escuchas aquí, pa' no verle. Ese cuando que vos te escuchas aquí, pa' no verle. Mata y hacen Darín Wakanda. Sina, Sina, Sina. Angola. También dime la mí no es fácil subir y uto también. Bugunga gente por escuchar más música no pole pele. Por escuchar KRTK, RFP con vileza mi band. Bugunga gente por escuchar más música no pole pele. Lyon. Le Grand X. Zemanel avec le titre C'est Kujo, extrait de cet album qui était sorti il y a 3 ans. La suite, c'est avec les Danois, un duo qui s'appelle Da Phoenix, qui avait fait une énorme pause de 5 ans parce qu'ils avaient fait une tournée à guichet fermé. Et pour pouvoir profiter un petit peu de leur famille, de leurs proches, ils se sont dit, allez, on ne fait rien pendant 5 ans. Mais cet hiver, surprise, ils ont décidé de ressortir leur machine, d'enlever la poussière et de nous préparer un EP qui est sorti en mars et dans lequel on retrouve le titre Breakson. Et c'est normal parce que l'EP s'appelle aussi pareil. You better run and move a little faster. It's what they say when you're headed for disaster. I say now put the brakes on now. Time to wait now. Be a little late right now.

j'avais ton âge, je n'ai jamais téléphoné à un garçon. Et je ne suis jamais restée seule avec un garçon dans une voiture. Oh, comment t'es forte! Et attends, tu m'as pas vu pisser debout. Quelle heure est-il? 6h. Toujours en retard, même pour ton enterrement, t'étais à la bourre. Nova. Nova. Supernova. Supernova. C'est super et c'est Nova. 17h-19h avec Tatiana Pérou. Eh bien, je vois que vous êtes toujours très attentifs à ce qui se passe sur Nova Lyon. Et entre nous, ça prouve que vous avez très bon goût. Mais on n'est pas là pour se lancer des fleurs. Ben non, pas tout le temps, sinon ça devient une habitude. Et après, les compliments n'ont plus du tout la même saveur. Si vous venez tout juste d'atterrir avant de paniquer, avant de partir, laissez-moi vous présenter cet endroit hors du temps qui accompagne votre fin de journée. C'est le Supernova qui est là avec vous jusqu'à 19h. Et pour que vous vous sentiez bien et même encore mieux, on retrouve le Grand Mix. Et le Grand Mix arrive avec une artiste qui mélange toutes ses influences. Alors sur le papier, ça paraît simple de prendre du rap, du punk rock, de la pop, du groove. Et au final, et bah, pas tant que ça, parce que parfois, nombreux sont ceux qui ont essayé, nombreux sont ceux qui s'y sont perdus. Je vous parle de Soumti, qui est de retour avec The Lorders The Better, son 6e album studio, qui est sorti vendredi dernier. En tout, 16 pistes qui vont aller aborder des sujets assez délicats, entre le monde corrompu, le vide du monde politique, et surtout l'urgence de se réveiller pour voir la réalité en face. C'est donc un opus qui lui tient à cœur, mais qui est aussi porteur d'un message positif, vous inquiétez pas, porté notamment par des mélodies et une voix qui croise plusieurs genres, notamment avec ce morceau Bad Road, où c'est les synthés de Soumti qui arrivent dans le Grand Mix. Wicked politics are destroying our land. Television tricks, the devil's sleight of hand. Every nation sick and every person. I look to the Lord in His holy word. Don't take a bad road. Oh, for the kingdom within the where my Christ lives. And don't take a bad road. So don't waste your time, for with it you can do much good and right. Wrong amidst fear and crying, but the Lord's servant keep their eyes looking to the sky. I look to the Lord in His holy word. Don't take a bad road, for the kingdom within where my Christ lives. And don't take a bad road. Upon the road to Damascus, the many must stop and find their way and blast us. See, the road to trouble was our way to disaster. But they asked us, and I told them the gospel, the way of the truth through the Son of the Lord, who died for the sins of the sinner and was crucified and died 3 days and raised by God to gather all to fight in this war. Yes, I look to the Lord in His holy word. Don't take a bad road. A bad road. Plein, plein, plein de synthé sur Bad Road, c'est un des derniers titres de Somty, extrait de son sixième album studio The Louder, The Better. C'est sorti la semaine dernière et Somty qui avait déjà commencé une tournée cet été en France et qui continue d'ailleurs de s'arrêter encore dans plusieurs villes, sauf Lyon. Mais je vous laisse quand même aller regarder les dates plus en détail parce que il y a des villes qui sont pas trop loin de Lyon. Si vous avez un pied à terre dans telle ou telle ville, autant en profiter. Oui, je sais, pas facile en ce moment de tenir. Avec le temps bizarre, on est plus facilement fatigué, énervé, irrité, mais prenez ce qui vous noue les nerfs, laissez-les au boulot. Alors oui, je sais aussi que c'est facile à dire, mais le Supernova va vous aider à lâcher le moins bon de la journée pour garder le meilleur. Et pour ça, forcément, on va aller se changer les idées avec Nova M, qui nous emmène demain soir au concert de Stoogie T, artiste qui est une légende sur la scène hip-hop sud-africaine, à tel point qu'on le surnomme le parrain du rap sud-africain. Et croyez-moi, lui, il vous attend impatiemment demain au Bizarre de Vénissieux. Vous pouvez déjà aller écouter ses sons, le connaître un peu plus en détail sur la page Facebook Nova M et sur nova.fr. À partir de 18h30, on retrouve Pierrot, le boss de Sopa Records, disquaire que les diggers lyonnais connaissent quand même plutôt bien, mais aussi label. Et c'est cette branche qui nous intéresse ce soir, puisque ce vendredi, Sopa Records nous balance le deuxième volume de Maghreb Cassette Club. Et mais nous donne déjà un avant-goût demain soir pour une release party où sera aussi présent le label tunisiano-lyonnais Chouka. Et de Chouka avec nous, sera aussi une partie de Chouka sera avec nous au Supernova. Il y aura Nessim, l'un des fondateurs. Donc voilà. Et après Supernova, très important, la soirée ne s'arrête pas, elle continue et elle commence avec le Nova Club de David Bowie qui sera ce soir en direct du Badaboom au cœur de la Bastille avec Martha Darrow et Yuxek entre autres. La suite, c'est avec le Grand Mix qui est prêt et qui s'impatiente avec le projet solo de Mike Skinner qui s'appelle The Streets et qui en 2002 sort original Pirate Material, premier album studio dans lequel on retrouve Let's Push Things Forward. Voilà ce qui déboule dans vos oreilles. Nova. Nova. Un impact à réparer, un pare-brise à remplacer, prenez rendez-vous en 3 minutes sur carglass.fr. Et en ce moment, pour toute réparation d'impact ou remplacement de pare-brise, Carglass vous offre 60 euros sur une sélection de produits Karcher. Oui, 60 euros offerts. Lave-vitre, aspirateur, nettoyeur vapeur, dégivreur, c'est vous qui choisissez. Avec 60 euros offerts, il y a même des produits qui ne vous coûtent rien. Alors prenez vite rendez-vous sur carglass.fr. C'est jusqu'au 20 octobre. Faut pas rater ça. Carglass répare, Carglass remplace. Voir conditions sur carglass.fr. Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes. Allô patron, les 5 sont à 1,79€. Les 5 endives ? Eh oui, en ce moment chez Lidl, le sachet de 5 endives est à 1,79€. Eh voilà, ils sont encore et toujours moins chers que nous. Mais dis-moi que c'est une blague ! Très ben non, 1,79€, c'est le vrai prix, hein. Et des endives origine France, évidemment. Évidemment, comme tu dis. Bah c'est ce que je dis. Lidl, trop fort sur les prix et c'est vous qui le dites. Étude Kantar Prométhée, avril 2023. Catégorie 1, Origine France. Plus d'informations sur Lidl.fr. Nova M, The Louder The Better, le nouvel album de Somty. La reine du ragamuffin nous offre une nouvelle pépite reggae dub, plus solaire que jamais. The Louder, The Better, le nouvel album de Somty est enfin disponible. Mettons un coup de projecteur sur les pros avec Cerise de Groupama. Comme la micro-entreprise de Bertrand ou le commerce de Jacques, 2 entreprises sur 3 en France sont des entreprises de proximité. Elles se mobilisent chaque jour pour nous nourrir, nous bâtir un toit, nous soigner, innover et embellir notre vie. Chez Groupama, nous savons que ces très petites entreprises font de très grandes choses. Alors pour les soutenir, Groupama a créé les Trophées Pro, un concours qui récompense les initiatives locales des petites entreprises. Groupama, la vraie vie s'assure ici. Plus d'infos sur groupamapro.fr. Ikea. Attends, t'es prêt là ? Tada ! Waouh, sympa la déco, mais on est où ? Bah mon amour, on est chez nous. Ah ouais, t'as vraiment fait plein de bonnes affaires. Aménagez votre intérieur à petit prix avec nos bonnes affaires. Jusqu'au 9 novembre avec la carte gratuite Ikea Family, la chaise d'extérieur Ascolmen est à 20 euros au lieu de 40. Conditions sur Ikea.fr. On est plus fort au rugby quand on est tous ensemble. Pour célébrer le collectif, GMF, sponsor officiel de la Coupe du Monde de Rugby France 2023, vous offre la première année moins 15% sur votre premier contrat auto ou habitation, puis moins 30% sur les contrats supplémentaires souscrits. Et ce, jusqu'au 31 octobre. GMF, engagé pour le collectif. Conditions des offres sur gmf.fr. 17h-19h, Supernova. Down, it's the upbeat, make it complete. So what's the story? Guaranteed accuracy, enhanced CD. Latest technology, darts at treble 20. Huge non-recoupable advance, majors be vigilant. I excel in both content and deliverance. So let's put on our classics and we'll have a little dance, shall we? No sales pitch, no media hype. No hydro, it's nice and ripe. I speak in communications in bold type. This ain't your archetypal street sound. Scan for ultrasounds, north, south, east, west and all round. And then to the underground. You say that everything sounds the same. Then you go by them. There's no excuses, my friend. Let's push things forward. You say that everything sounds the same. Then you go by them. Things forward. As we progress to the checkpoint, I wholeheartedly agree with your viewpoint, but this ain't your typical garage joint. I make points which hold significance. That ain't a bag, it's a shipment. This ain't a track, it's a movement. I got the settlement. My frequencies are transient and resonate your eardrums. I make bangers, not anthems. Leave that to the artful dodger. The broad-shouldered 51% shareholder. You won't find us on Alta Vista. Cult classic, not bestseller. You're gonna need more power. Plug in the three phase and the generator. Crank it up to the gigawatts. Critics ready with your pot shots. The plot thickens. Put on your mittens for these sub-zero conditions. But remember I'm just spitting. Remember I'm just spitting. Once bitten, forever smitten. You say that everything sounds the same. Then you go by them. There's no excuses, my friend. Let's push things forward. Riches, junkie fixes. Around here we say birds, not bitches. As London Bridge burns down, Brixton's burning up. Turns out you're in luck, so I know this dodgy fucking the duck. So it's just another show flick from your local city poet. Case you geezers don't know it, let's push things forward. It's a tall order, but we're taller. Calling all maulers, backstreet brawlers, corner shop crawlers. Victory's flawless. Love us or hate us, but don't slate us. Don't conform to formulas. Pop genres are shut. Sharp darts, double dutch. Park cars, troubles are much with more bud. Let's push things forward. You say that everything sounds the same. Then you go by them. There's no excuses, my friend. Let's push things forward. You say that everything sounds the same. Then you go by them. There's no excuses, my friend. Let's push things forward. Let's push things forward, c'est extrait d'original Pirate Material, premier album de Mike Skinner avec son projet The Streets. Projet où au final il va se dire j'arrête en 2011, mais je reviens quand même un petit peu plus tard en 2017. Donc il va à chaque fois éparpiller ses sons et pour le moment c'est encore en pause. La suite c'est avec le groupe américain Paramore Group. Alors vous allez rire, vous allez vous moquer de moi, mais j'écoutais ça quand j'étais adolescente parce que pour moi c'était méga rock. Et je m'identifiais énormément à cette chanteuse alors que je ne lui ressemblais absolument pas, à ma grande tristesse. Mais Paramore est revenu, a sorti un album au mois de février qui s'appelle This Is Why. Et là, ils ont fait une autre surprise. Laquelle? C'est de dire, eh ben, en fait, on ressort cet album, mais avec une version complètement remixée. Et c'est comme ça, oui, c'est vraiment, c'est comme ça que ce titre a été revisité par les deux anglaises de White Leg, celles qui ont la chaise longue. Cell phone. I'm not one to bite my tongue. You gon' get it right, I swear. I was looking like your fears. Usually you're like fizzles out. You're not feeling like yourself. You're not one to bite your tongue. Talking bout makes perfect. I'm certain that shit dead. Closed casket, closed curtain. No person gon' have you like birthing. Earth is different energies exerted. Learned from her, moved on. Learn more. Well wishes still in good rapport. You can't fail. That's until you fall. My only hope is it ends well. Got love that feels like a cheat code. No stress, no. Fracta et c'était Jamila Woods en feat avec Saba, c'est extrait de Water Made Us. Vous savez, c'était son album que Jamila avait pensé imaginer pendant le Covid, où elle s'était donné un petit pari de dire là, il n'y a rien à faire, on ne peut pas sortir, on ne peut rien faire à part rester chez toi et faire du ménage. Et bien, ce que je vais faire moi, c'est que je vais écrire plein de textes, je vais en écrire à foison. Et de cette période, et bien, du coup, elle est ressortie plusieurs textes qu'on peut retrouver du coup dans l'album Water Made Us. Nova M. Sur la scène hip-hop sud-africaine, Stoojiti, c'est une légende. C'est un authentique OG, original gangsta, ultra respecté dans le game. Et ce mec, il mène aujourd'hui une carrière solo et avant, il a quand même réussi à collaborer avec énormément, mais énormément d'artistes. Et Stoojiti sera demain soir au Bizarre de Vénissieux pour un concert inoubliable. Il vous attend. Et vraiment pour vous faire découvrir son univers, son flow, sa plume, sa prose. Et je vous rappelle que, en fait, la semaine dernière, il était de passage à Paris et qu'il a séduit tous les gens qui l'ont vu en concert, tellement que c'était incroyable. Il regrettait les gens qui sont allés le voir, seulement que la salle soit trop petite pour pas pouvoir bouger encore plus. Alors, n'hésitez pas à récupérer vos places maintenant sur la page Facebook Nova M et sur Nova.